Jésus comme moi, tombé dans la cour, s'il te connaît. osim te kone. Alaka kabou la vek ayte a. M touve m chofe. M fè tout un semen. M de yon vie Bogota pou moule. M pa sa jwenn. A la fin, m vini kontre avèk yon kamarad ki rele Jasram. I di m koupe. Gèl ap fanyen. Di mon chè papa, fè tout an semen de yon vie Bogota, m pa ka jwenn. Se di mon chè m gon vie zanmi m la gon vie Bogota, lese m al fè l baoul. La la avèk mwen vil fè m fè kondisyon avèk zanmi yon. Zanmi yon bam kliya. Met lo, met l'huil, met gaz, met stat. Kavout, kavout, kavout. Ay ay ay, m demare. Ay ay ay. Vire on fait tout ton journée. M'pa fait 5 centimes. À la fin par contre ça vient arriver. M'touve m'in prend 5 pan caoutchouc. Bon Dieu pour moi m'l'idée m'lever panio. M'dit bon, m'a fond dernier viré pour moi contre ça y. M'tombe viré viré on. M'viré quand comme d'adou son chauffeur des noces. M'a clat sonné pom pom. Pop pop pop pop pop pop pop pop oh oh. M'pa jwenn personne qui fait m'chut. L'élevé 6e dit bon, m'a porté la caille moi. Alors comme d'habitude, toujours passer la caille maman. Toujours le petit something. M'entrer quand maman petit something là. Dit bon, m'va la caille. Maman dit garder nos petites. Koto ou foue tête toi. Dit pas mon bou non. Bien bien maman. Déjà là, déjà, tout là, président moi. Je suis venu à la caille, je m'arrête la caille, je m'embrasse madame, je déshabille, je prends une petite douche, l'eau tiède, je monte à table, je mange. Oh, je suis habillé comme sous cabane, quand vous avez fait un dormi, femme dans souké moi. Il dit, mais, levé, levé, c'est le travail où vini. Faut venir dormir ici, levé, levé, levé, levé, c'est le travail où vini. Il dit, oui, mes amis, ça arrête pour moi. Oui, tous nos crayons. Femme dans ses sous, c'est la sous. À la fin, c'est obligé de les embrouiller. La police. Petit. Descends. Mes amis, pas capable. Les mouins passent à dormir, c'est obligé. À l'acheter 8 coups de coupier. Pour me venir bouillir. Pour me bouillir, pour me fricasser, pour me manger. Pour moi, son petit dorme après moi. Oh oh. On m'a dit non. Ou pas venir garder la caille, moi. Je dis bon, c'est pas ça. Qui sont venus? Sortez à remettre la salle. Qui ça pour me prendre là? Ma prendre gâteau X. On m'a dit non. Pas mal les bols ça même. Alors, vous êtes venu boire appétit. Et vous manger plus dans la caille là. Non, non, c'est pas pour ça ou là. Hein? Non, bien, bien. Ma prend Feno, il dit non. Feno, papa, les balles ça même. Feno, bien, ben. Ma prend Feno au sol, on dit non. Eh, ou baiser, vine gâter, c'est maïa ça, ou yo, pas vine gâter dans la caille, moi. À la fin, moi, c'est voyez, fia pour moi. C'est voyez, qui vine neve, malé, qui le comprend. Pas d'arrêt, il comprend, mais il vine neve. Bien, ben. Ma poudre, pas n'a raison. On a dit, je vais vous on va mettre tête ici, c'est moi qui mets tout, ça me douce ça. Dis oui bon Dieu, moui, tous nos crayons, femmes dans ses sous, c'est la souce. Envoyé, la police, pitié, de sa goût, des souce. Thank you. chè sou kor mwen. Mwen tombe nan la kou si mte konen. Si mpa rele sou kor mwen. Mwen tombe nan la kou si mte konen. Si mpa voye chè sou kor mwen. Mwen tombe nan la kou si mte konen.